Entre les larmes du monde et les pleurs du ciel, je sais pas si je t'ai perdu ou si tu t'es perdu seul. Y'a les gens qu'on voit et les gens qu'on remarque. Les gens qu'on remarque font tout pour pas qu'on les voit. J'ai du mal à croire que c'est la vie que tu aimes. Ne plus différencier le vrai du virtuel. On s'est connus avec les réseaux sociaux. On va se séparer à cause des réseaux sociaux. Tu sais, l'amour c'est pas une application. Le BBL c'est pas une obligation. J'ai pas envie de dire qu'on était mieux avant, mais Internet c'est plus sur nous que nos parents. T'es plus celle que t'aimerais être, tu vois. Bien que t'es devenue celle qu'ils aimeraient que tu sois. Les gens me demandaient ce que je faisais avec toi. Et maintenant je me demande ce que je vais faire sans toi. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le métier. Oui, j'ai bien aimé. Oui, je sais que tu es très occupé. Je suis en train de prier, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Avant t'affrontais les choses, maintenant tu t'échappes. Avant tu vivais les choses, maintenant tu les snaps. T'as la tête dans les nuages, mais le ciel est gris. Tu souris sur toutes les photos, mais je sais que t'es triste. Comme une lame pointée sur la carotide. On sent pas les couilles de ta skincare routine. Pourquoi devenir l'inverse de ce que t'étais? Pourquoi tu veux leur plaire si tu les détestes? T'achètes tes sables, tu penses aux stories que tu vas poster. Parfois j'aimerais juste qu'on pense au bébé que tu vas porter. Autour de moi, tous les cœurs se quittent. On aime les meufs des clips, mais on veut pas sortir avec les meufs des clips. Je suis là à faire des reproches sur ta vie, alors que j'ai traîné toute la nuit, alors que j'ai baisé tout Paris. Ce monde est plutôt gris, ce monde est plutôt triste. En vrai, c'est vous les plus solides, c'est nous les hypocrites. Je passe l'hiver à Paris, et j'ai peur du froid. T'es sur le mauvais chemin, ça tombe bien, je suis aussi perdu que toi. Faisons la paix sans préparer la guerre. Sur la route initiale, et sans amour digital. Regardons la mer et apprécions les eaux. Sans vouloir à tout prix impressionner les autres. Comme si le passé s'écrit et que l'avenir s'efface. Vivons mieux, vivons. Je vais jamais dire cette phrase. Yeah, it's so crazy how the internet is just ruining people. People are so fake online. Like, I could see someone I know, but then see them online and it's like they're a whole different person. Like, I don't even know them anymore. The internet's just ruining people, like, day by day. And it's so sad. Like, I miss the days when people were just your friends and we were kids and we would just laugh and, like, we would make mistakes and we would play and we would cry and everything was just real. You felt it. And there wasn't any reading between the lines. It's just so fake now. I wish it could go back to the way it was.